criminelle musique, Opinel musique, LRM et Blackone. Maintenant tu sais c'est quelle musique, KL musique, rap, zouz musique, bloc-notes musique, drogue musique, 5, 20 grammes, 12 musique, rap musique, aka braco musique, anti-sarco musique, G c'est flashball musique, banlieue ouest musique, anti-strass paillettes musique, anti-bling bling, c'est du rap donc ça reste musique, souterrain musique, terre-terre musique, guerre musique, R1 musique, respect certain musique, ma belle ghetto musique, pêle-mêle le flow et les mots fusil pour être gros, de Panama, Soweto musique, on est guerre, Lully musique, coupe un bac, Mozart, c'est le son de tout un quartier, des musiciens musique, provocatrice musique, aucunement factice, c'est le son sauvage, celui qui te laisse des cicatrices musique, c'est ma musique, musique, musique, yeah. Gros, c'est ma musique, musique, musique, yeah. Ma musique, yeah. Ah. Ça y est, hein, c'est la fin du CD là. Engagé, LRM, premier album, c'est ça vieux. C'est, je crois que c'est l'heure des dédicaces. Hein. Donc première dédicace pour ma famille, t'as vu. Premier, toujours premier ma famille. Vieux. Ensuite les potes, ma fou, mon pote est reparti au bled. Hein. Kito, Nathan, Bison, Dokar, Poulos, mon pote mieux à merveille. JP, la peau. Jet, Alka, Nels, ma cousine Nels, hein. JD, Lichard, JF, Doulaï, Nicolas Bigor, Nassim, les refractaires, les refractaires, vieux. Omar, Issa, Joël, mon pote Eol, Douer, Zoer, Dolné, c'est ça, Ploplo, Hassan, mon pote Yves Gomis, Mante, Mohamed, Youssef, Arcelois quoi. Coco, Yousding, Karim, Naïm, Clément, Krell, yeah. Crèche, toute la phonétique, hein, Non aussi, tout style. Le cousin de Guada, Lionel, Patrice, Teddy, Rudy, la famille quoi. Famille Calif, Tania, on est là. Yeah. Famille Aquitaine aussi, on est là. Le Sueur aussi, on est là. Yeah. Poids d'hier, MJC de la selle Saint-Cloud, la soucoupe aussi qui m'ont bien aidé au début et tout. Si, si, hein. Asia, Bouba, d'Orléans, ça mon vieux. Diane, Greg, Eddy, Benoît, Jordan, Thierry, aka mon pote Kiricote. Tiens, ça arrive ça aussi. Bientôt, ouais, ouais. Romain, Khalil, Manu, Martin, Nico, mon voisin de chambre à Rist. Peach, Puette, Sam, déjà papa, ça vieux. Tamar, Afrotis, Bagnolet, ça. Inyo HP, Yurgo, DJ Snooze, One Way, si si, Lasso, Darty, 1, yeah. Ah ouais, la Flore aussi, Soulsa, Abbas, mon super aidé, c'est ça. C'est 7-8 vieux. Là, on reste là, on s'en va pas. C'est LRM, premier album, engagé. C'est ma musique, musique, musique, musique. Yeah.